je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Ça y est, c'est la rentrée. Après quelques mois de break, Ludologie est de retour pour une saison 3 pleine d'idées et de questions. On vous prépare de chouettes épisodes avec des invités toujours passionnants et des sujets ludiques et improbables. Mais surtout, cette année, pour la saison 3, on fait place à de nouvelles voix. C'est en effet un grand plaisir pour Adrien et pour moi-même d'annoncer que l'équipe Ludologie compte désormais 4 personnes. Alors, si on prévoit pour les numéros à venir de travailler plutôt en binôme, on s'est dit que cette reprise était l'occasion de mettre l'ambiance tous ensemble. Et pour l'occasion, on a convié des invités désormais habitués et toujours enjoués à nous rejoindre pour parler justement d'ambiance. Vous les connaissez probablement, il s'agit de Coralie David et Jérôme Larré. Mais avant d'attaquer les choses sérieuses, je vais passer le micro aux nouvelles voix qui vous seront bientôt familières dans ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Ludologie épisode 34. Bonjour, bonjour, moi c'est donc Sélénée Tonon ou Sélène Tonon, peu importe. Dans la vie, j'étais ingénieur et je suis désormais au chômage. Et comment je m'occupe ? Je suis militante pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres, etc. En somme, pour résumer, je souhaite qu'on puisse pouvoir assumer sa différence sans se cacher et sans avoir honte, et en pouvant avoir les mêmes droits humains que tout le monde. En dehors de ça, je suis passionné des mondes de l'imaginaire et des jeux en général depuis ma plus tendre enfance, et je vis encore ma passion au jour le jour. Et c'est pour ça aussi que je suis ici. Moi, c'est Fanny Oseray. Je suis bibliothécaire, amoureuse de livres, par conséquent. Beaucoup de fantasy, beaucoup de science-fiction. Monde de l'imaginaire aussi, du coup. Je suis aussi joueuse un peu dilettante. J'aime tester des jeux de toutes sortes. Des jeux de plateau, des jeux vidéo, du jeu de rôle aussi. Il ne me manque plus que le GN. Et voilà, ce que j'apprécie souvent sont les ambiances, ce dont on va parler à présent. Et effectivement, tu évoques le GN et ça me fait une belle passerelle pour introduire le sujet du jour. Je vais parler peut-être d'une expérience que j'ai vécue en GN, justement, où une bande de malfrats avait attaqué le village et j'ai eu vraiment les jetons. Je n'ai jamais connu ça, la peur de mourir, et donc c'est quand même très particulier, et je me suis dit après réflexion, oui, j'étais vraiment immergé dans quelque chose, il y avait une véritable ambiance qui me poussait à ressentir ça. Ce qui montre bien un peu la capacité du jeu à nous mettre dans une petite bulle magique qui est autonome, et qui nous fait ressentir des choses peut-être qu'on n'aurait pas connues autrement. Et c'est justement pour ça, pour toutes ces raisons, tous ces sentiments que j'ai ressentis, que j'ai voulu questionner la notion d'ambiance. Comment on la crée, comment on la brise parfois, comment on la met en place, qu'est-ce qu'on peut faire avec, peut-être est-ce qu'il existe une typologie d'ambiance. Toutes ces questions, on va peut-être pas y répondre, mais on va essayer avec nos invités, donc Coralie David, qu'on a eu l'année dernière, si vous vous souvenez bien, on l'avait questionné sur son travail d'éditrice avec Lapin Marteau. Et justement, on va retrouver un autre Lapin Marteau, Jérôme Brand Larré, donc éditeur lui aussi, auteur de jeux de rôle, critique, il a aussi beaucoup de casquettes. Et peut-être pour commencer, je ne sais pas qui veut entamer la bataille, mais comment on peut définir la notion d'ambiance ? Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors en fait, ouais, sur l'ambiance, on est un peu embêté, c'est-à-dire que en tant que rôliste, on a l'impression de savoir ce que c'est, qu'on parle constamment d'ambiance, que c'est quelque chose d'évident. Et puis en fait, en essayant de faire nos devoirs pour ce podcast, ben on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, voire qu'on était carrément dans la merde. Pourquoi ? Parce que ben en fait, ça cale l'ambiance. En fait, on a tous l'impression de savoir ce que c'est, mais ça cale pas forcément avec les autres outils qu'on peut avoir. Enfin, de notre point de vue à nous, hein, y a plein de gens qui auront un autre avis dessus. Et notamment, ça génère plein d'autres questions. Alors, pour les faire en rapide, et histoire de voir avec vous ce dont vous avez envie de parler un peu plus précisément, dans les autres questions, ben, souvent, quand on parlait de jeux d'ambiance ou dans le jeu de rôle dans les années 80-90, on parlait de jeux avec une ambiance assez sérieuse, réaliste, sombre, presque pompeuse. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de savoir si vous voulez vous limiter à ce type d'ambiance-là ou à d'autres types d'ambiance. Par exemple, dans le jeu de rôle, on a des jeux beaucoup plus comiques, mais aussi beaucoup plus avec d'autres types d'ambiance. Pensez à un jeu comme Wasburg ou un jeu comme Dying Earth, enfin la Terre Mourante, je sais pas si le titre en français a été traduit ou pas. Dans le jeu vidéo, il y a des jeux comme Gods of War, qui a pour le coup très probablement l'ambiance, mais qui est pas réellement feutré, quoi. Et donc ça, c'est une première question. Et une seconde question, c'est en fait, quand on regarde un petit peu la définition du terme ambiance, qu'on va voir un peu l'équivalent en anglais, tout ça, on s'aperçoit que ça désigne plus ou moins deux choses, c'est-à-dire les caractéristiques d'un lieu et, on va dire, une atmosphère, une émotion, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, on peut assez facilement se mettre d'accord sur le fait qu'une ambiance, c'est l'émotion générale dominante ressentie dans un espace de jeu. Le problème, c'est est-ce que vous préférez parler en fait de l'ambiance qui est celle d'un jeu, on va dire, pour prendre le cas du jeu de rôle, de l'ambiance des personnages, de l'action, de la fiction, ou est-ce que vous préférez parler de l'ambiance qui est celle des joueurs? Pour prendre un exemple concret en termes de jeux vidéo, est-ce que quand on joue à la Wii avec ses grands-parents, on est dans un jeu d'ambiance? Puisque c'est quand même quelque chose qui a été conçu pour avoir une certaine convivialité et provoquer une certaine attitude. Ou est-ce que c'est uniquement quand on va jouer à des jeux, je sais pas, la Dark Souls par exemple, ou des choses comme ça, pour voir où est-ce que vous vous situez de votre côté pour qu'on parte bien sur les mêmes choses, quoi. Alors, moi, je ne sais pas trop où me situer. C'est Manuel qui prend le micro. D'autant plus que j'ai des doutes sur la corrélation entre un jeu et l'ambiance qu'on peut trouver effectivement chez les joueurs. Je me pose la question, je réfléchis un peu à voix haute. Est-ce que un jeu peut provoquer une ambiance spécifique, ou est-ce qu'on est vraiment dans un fluide entre les joueurs? Pour prendre des exemples, est-ce qu'on peut jouer extrêmement sérieusement à Mario Party, ou est-ce que on peut au contraire faire du Scooby-Doo avec un appel de Cthulhu, qui sont a priori des jeux qui sont plutôt conçus pour les ambiances inversées? Est-ce que l'ambiance, c'est pas effectivement un fluide entre les joueurs sur lequel on peut essayer de donner des impulsions en tant que concepteur de jeu, mais finalement la maîtrise, c'est peut-être la part du joueur la plus importante du jeu? Oui, effectivement, c'est vrai que vu que ce sont des médias, le jeu de rôle, enfin les jeux d'une façon générale, qui sont interactifs, il y a forcément un concours de circonstances entre les impulsions qui sont données par les auteurs du jeu et ce que vont en faire les joueurs, parce qu'ils vont forcément se l'approprier et se l'approprier à leur manière, quoi. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience là-dessus, si on pense à l'appel de Cthulhu par exemple, où dans la sixième édition, les concepteurs, ils ont essayé de presque donner trois modes de jeu possibles avec un même jeu. Du purement horrifique, très difficile, très violent pour les personnages, très sombre, au pulp, parce que finalement, on s'est aperçu que c'est un jeu qui est évidemment très très joué, mais c'est un jeu qui est joué de finalement de façon assez différente. Et voilà, vous pouvez avoir une table de Call of Cthulhu qui va vraiment, vraiment insister sur l'aspect horrifique. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui vont vraiment minorer l'aspect mortalité, l'aspect violence, pour avoir clairement un côté beaucoup plus boum boum, beaucoup plus épique. Et d'ailleurs, avec Jérôme, on parlait pas mal de ce qu'il y avait dans la première édition de l'Appel de Cthulhu, hein, qui se revendique dès le début comme un jeu d'ambiance. Et en fait, tout le jeu, on vous dit, alors attention, c'est un jeu d'ambiance, il faut que ce soit horrifique, il faut que ça fasse peur. Mais concrètement, en fait, on donne pas vraiment, enfin Sandy Peterson, donne pas réellement d'outils pour le mettre en place. Hein, des rares choses concrètes qu'il dit à ce niveau-là, quand vous décrivez une situation aux joueurs, ne leur dites pas, vous voyez un profond. Dites-leur, vous voyez une espèce de créature immonde, mi-crapaud, mi-homme, insister sur les descriptions, mais c'est finalement à peu près tout. Et puis d'un autre côté, on va vous donner un tableau où on va par exemple vous dire, la dynamite, ça vaut tant. Ce qui induit quand même que vos joueurs, ils vont pouvoir aller s'acheter de la dynamite, et puis le profond, vous avez mis une super ambiance pour les faire flipper, ils leur balancent un bâton de dynamite, et merci, au revoir. Donc voilà, même dans ces jeux qui ont cette intention, ils mettent malgré eux des outils et des choses à la disposition des personnages joueurs qui vont rentrer en contradiction. Voilà, c'est un exemple, mais il y a vraiment des paradoxes comme ça. Par exemple, sur Vampire, on va vous dire installer une ambiance politique où on va aborder comme thème un peu tragique la lutte contre l'humain. Donc on s'imagine pareil là une ambiance autour de la table où on va se poser des questions très très philosophiques, et ça peut arriver parfois. Mais d'un autre côté, en tout jouer à Vampire, on va avoir envie de mettre plein de points dans les disciplines et puis d'aller casser la tronche à tout le monde, ou aller dominer les gens si on joue un ventrou. Enfin voilà quoi, au final... comme tu dis, il y a ce qu'induisent les jeux, ce qu'ils essayent de faire passer, et puis ce qu'en font les joueurs réellement autour de la table, et c'est assez intéressant. Mais clairement, il y a un lien entre les deux. Hein. Mais clairement, il y a un lien entre les deux. Hein. C'est évident que c'est pas du 1 pour 1, c'est pas automatique. Mais par exemple, je sais que j'ai souvent eu l'occasion de discuter de Cyberpunk, par exemple. C'est un jeu qui doit dater de 88, enfin de la fin des années 80, et où l'auteur en fait présente une certaine façon de jouer avec pas mal de réflexions sur ce que c'est que le genre cyberpunk. Et notamment, il présente comme une espèce de roman noir avec pas mal de choses assez intéressantes sur ce que peut être le futur, enfin les racines du genre. Et en fait, tout le monde va prendre le jeu pour un espèce de Barbie badass RPG, quoi, où on va faire, on va chercher à s'acheter les meilleures prothèses, on va rentrer là-dedans, et pour des raisons toutes simples, hein, parce qu'elles sont super efficaces, parce que il y a je sais pas combien de dizaines de pages dans le jeu là-dessus. Alors c'est peut-être pas des dizaines de pages en plus, hein, mais il y a beaucoup de pages quand même là-dessus, il y a énormément de données techniques. Donc perçu par les joueurs comme ayant de la valeur. Et le truc, c'est que cette façon de jouer là, ça va pas être isolé en fait. Ça va tellement pas être isolé que l'auteur lui-même va faire un supplément, en fait un supplément puis un autre jeu, où il va dire aux joueurs, mais vous avez rien compris. Il y a un supplément qui s'appelle Listen Up Primitive Screwhead, donc je vous épargne mon accent, mais ça veut dire quelque chose comme écoutez bande de moules. Et où il explique 2-3 trucs sur la façon de jouer. Et il va faire un nouveau jeu qui s'appelle Cybergénération. Et il va dire très clairement aux joueurs, voilà, moi ce que je voulais, c'était qu'on joue dans les films noirs, une espèce de Casablanca mélangée, alors je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais enfin, bon, lui le précise bien. Et il dit, voilà, ce que vous avez fait, c'est que vous nous avez fait un espèce de croisement entre... les méchants de James Bond et l'homme qui vaut, alors je sais plus, 3 milliards, 6 millions, enfin, Ellie Majors. Et vous avez, enfin, en général, vous promenez avec un arsenal qui vaut plus que le PIB de la moitié des pays du tiers-monde. Vous avez un peu déconné, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on vive un truc de la rue, où on soit tous à cran, où où vraiment le côté l'esthétique du cyberpunk. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau jeu, et puis on va jouer les enfants de vos persos qui sont bien dégoûtés parce que vos persos ils sont un peu couillons. Et alors, je surinterprète pas mal quand même. Mais l'idée est là. Et en fait, s'il fait ça, c'est bien parce que la plupart des gens, ou en tout cas un nombre conséquent de gens, ont joué à son jeu de la même façon. Et alors même qu'ailleurs, il disait comment il jouait, il donnait une autre façon de jouer. Cette interprétation du cyberpunk, finalement. Ce serait pas quelque part les joueurs en question qui auraient trop plongé dans l'univers, parce que en quelque sorte je vois la comparaison avec Cthulhu, je la trouve frappante. Cthulhu, où on va balancer de la dynamite sur les profonds, du coup ça casse l'ambiance parce que ça sort complètement du contexte de l'univers qui est censé être horrifique. Mais finalement le cyberpunk, c'est un monde qui est censé justement être ultra capitaliste, pousser les gens vers la modification corporelle, vers le contrôle corporel extrême, etc. Donc finalement, est-ce que ces joueurs, ils n'auraient pas trop plongé dedans, trop été abreuvés par ces images, par cette ambiance ? Honnêtement, je pense que on le fait tous en tant que joueuse, c'est qu'on va vers, ce qui nous permet d'avoir de la prise sur le jeu, je m'explique. C'est un peu comme ce que je disais avec Vampire, quoi. C'est bien joli de me dire qu'on va mettre la lutte contre la bête et l'humain au centre. Mais moi, qu'est-ce qui me donne de la prise sur le jeu ? C'est les disciplines, voilà, qui permettent d'avoir des pouvoirs métabeux. Et c'est pour ça qu'on a accusé Vampire d'être un jeu de super-héros déguisé. Et je pense que ça rejoint quand même ce que tu dis, Célène. Les gens qui ont joué à Cyberpunk, ils ont peut-être fait pareil. En gros, ils ont vu qu'est-ce qui me donne du pouvoir, qu'est-ce qui donne du pouvoir sur le monde à mon personnage, qu'est-ce qui me permet d'agir dessus. C'est les augmentations, c'est tout ça. Et en gros, je vais courir vers cette puissance. Parce que finalement, quand on se penche un peu sur les débuts du jeu de rôle, au départ, c'est quand même très marqué par la fantasy. Et la fantasy a ses propres codes, et dans ses propres codes, les confrontations, les combats sont assez importants. Hein, quand on voit ce qui a inspiré les romans fantasy qui ont inspiré les auteurs dont il parle dans l'introduction de Donjon. Et en fait, des fois, on a un peu des courts-circuits d'adaptation, on va appeler ça comme ça en plus en faisant le cyberpunk. Mais je m'explique, par exemple, dans Cthulhu, c'est un jeu d'horreur, et dans une nouvelle d'horreur telle que peut l'écrire Lovecraft, et c'est Kenneth Haidt, donc un autre auteur de jeu de rôle qui a travaillé sur sa propre version de Cthulhu, qui explique notamment ce genre de choses. Il dit on a 5 étapes dans une nouvelle horrifique, on va avoir la mise en place, la découverte, la confirmation et la confrontation. Et finalement, l'aspect confrontation, si on passe du temps dessus dans un jeu, par culture, par habitude, on va se concentrer sur les combats ou le fait de s'opposer à l'ennemi dans un conflit, surtout dans les premiers temps du jeu de rôle, et on va peut-être avoir du mal à mettre en place l'ambiance horrifique. Pourquoi ? Parce que la source d'inspiration du texte horrifique, lui, il se concentre essentiellement sur les deux étapes qui sont la mise en place et la découverte, parce que c'est là, c'est dans cette période-là où on fait flipper, c'est là que la tension elle monte. Et dans un jeu, pour l'instant, en tout cas à l'époque, on n'a pas forcément trop l'habitude de jouer comme ça. On a l'habitude de se concentrer, même s'il n'y a pas que ça, même s'il y a déjà des découvertes d'univers fantabuleux avec RuneQuest et ce genre de choses. On a quand même tendance, par réflexe, à se concentrer là-dessus. Et donc, il y a des choses qui achoppent, parce que je pense qu'en tant que rôliste, enfin, je trouve que c'est un travers qu'on a toutes et tous, on va peut-être avoir tendance à, j'allais dire, jouer toujours au jeu de la même manière, si on fonce, qu'on ne se remet pas trop en cause et tout ça, et en gros, de ne pas tenir compte de ces spécificités-là, finalement. Et je pense que là où il y a eu un achoppement et où ça a été difficile sur l'horreur de mettre ça en place et qu'on retrouve ce problème sur le cyberpunk, c'est que effectivement les auteurs ont peut-être échoué dans le système de jeu à nous donner des choses intéressantes pour nous pousser vers ceux vers lesquels ils voulaient nous pousser au départ, en fait. Moi, j'avais effectivement, excuse-moi, je t'interromps, parce que j'avais effectivement une réflexion qui allait un peu dans ce sens-là, parce que ce que je trouvais signifiant, c'est que quand vous parliez de cyberpunk, de l'appel de Cthulhu ou de vampire, c'était toujours en mentionnant que quelque part tous les joueurs ont un peu joué d'une façon qui a priori, ou en tout cas beaucoup de joueurs, ont joué de la même façon, mais une façon qui n'était pas prévue dans l'intention déclarée du jeu. Et je me demande dans quelle mesure c'est effectivement ce que tu disais, Coralie, pas un petit hic du côté de Sandy Peterson et ses camarades game designers, d'avoir donné une intention mais de ne pas avoir donné les outils pour, et d'avoir donné des outils pour faire autre chose. Moi je suis un peu gêné avec ta question parce que derrière il y a des présupposés, et c'est quelque chose par exemple qu'on entend beaucoup en ce moment sur le jeu de rôle et pas uniquement, qui est à quel point en fait une proposition de jeu doit être je sais pas dire comment, concentrée, étroite, spécialisée. Mmh. Et en fait aujourd'hui on a beaucoup de jeux où on peut jouer que quelque chose de très très précis. Je parlais de Wasburg tout à l'heure. Dans Wasburg, on joue des gardes dans une cité médiévale, dans une cité médiévale bien particulière. Comme le jeu est... comme on a réduit énormément le cadre, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Le ton qu'on veut donner, l'ambiance justement, se fait très très bien. Le défaut, c'est que quelque part, on ne peut jouer que ça. Si on a envie de pousser les murs un peu, ça devient compliqué. On peut le faire, on peut découvrir de nouveaux quartiers, on peut découvrir de nouveaux habitants, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, on peut pas réellement jouer, je sais pas, les brigands, enfin les bandits. Alors peut-être qu'après, sur la suite de la gamme, on peut, hein, en tout cas, là où je suis arrivé, moi, c'est pas encore le cas. Et par exemple, c'était aussi une richesse qu'avaient pas mal de ces vieux jeux, de permettre de faire beaucoup de choses. Ça faisait aussi qu'on y jouait longtemps. Et qu'on y jouait, et qu'autour de la table, on pouvait avoir des envies différentes, et jouer quand même au même jeu, et s'amuser quand même. Et parfois, ne pas réussir à jouer la même chose. Et créer des travers, hein, y a pas de problème. Enfin, les deux peuvent arriver. Mais du coup, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à taper sur cette souplesse, on va dire, sur ces possibilités. Alors que c'était aussi une force. Par exemple, quand on jouait, je me souviens à la fin des années 80, découvrir Star Wars, la version D6. Star Wars, c'était notre jeu pour tous les trucs dans l'espace. On se posait pas la question de savoir si c'était plus l'ambiance de la guerre des étoiles ou plus l'ambiance de, je sais pas, d'Alien, par exemple. Il y avait des vaisseaux spatiaux, on jouait à Star Wars. Parce qu'après, il y avait 2-3 autres possibilités, mais les 2-3 autres possibilités, dans ma petite ville, on les avait pas, ces jeux-là, en fait. Et donc, on jouait qu'à ce jeu-là. Et... aujourd'hui, en relisant, alors pour le coup, Star Wars, c'est un jeu que je trouve excellent et super bien fait en jeu de rôle. Il y avait plein de choses qui étaient faites pour réellement pousser une ambiance particulière, ça donnait réellement les moyens. Mais on avait aussi à l'époque le souci, en fait, de s'acheter des jeux qui soient pas sur des... en fait, de couvrir le plus d'ambiance possible avec les jeux qu'on avait, quoi. Oui, si, c'est tout à fait clair. Du coup, il y a vraiment un lien entre la jouabilité du jeu et l'ambiance qu'on peut poser. Et du coup, moi, c'est vrai que ça me donnait envie de rebondir un peu sur le jeu vidéo et tout ce qui concerne le gameplay, en fait, qui peut servir l'ambiance. J'avais comme exemple, Journée, le jeu fait par PlayStation, qui est très doux, qui est très poétique, et Flower, qui est dans le même esprit, mais où tout repose sur la possibilité du mouvement de la manette. Donc il n'y a pas à appuyer sur des touches rapidement ou quoi que ce soit, tout est vraiment dans la fluidité, et ça contribue vraiment à cette ambiance très poétique, contemplative. Et je me dis, voilà, dans quelle mesure le gameplay va vraiment servir l'ambiance ou au contraire la desservir dans des moments où il faut accélérer le mouvement ou ce genre de choses. Quand tu évoques ça, moi, ce que ça m'évoque, c'est pas mal. Dans ma tête, j'appelle ça la poétique du parcours. En fait, c'est tous ces mondes ouverts où, en fait, tu vas. en fait, tu vas jouer, mais tu vas te balader pendant longtemps, parce que justement, le gameplay te pousse à faire ça. Alors, je pense, en gros, pour prendre, moi, ce que j'aime bien comme deux grands types d'univers ouverts, les univers à la Assassin's Creed, ou par exemple, avec Infamous aussi, où en gros, je vais, parce que le gameplay du perso, il est tellement, tellement agréable, je vais passer pas mal de temps juste à savourer l'ambiance, mais grâce au gameplay. Parce que y a une espèce, la façon dont tu planes, la façon dont tu te déplaces, te fait vraiment rentrer dans l'univers d'une façon ultra particulière, et t'es vraiment que concentré là-dessus finalement. Alors les jeux par le gameplay, enfin, essayent de t'y pousser, par exemple en cachant des trucs dans Assassin's Creed, où on a la même chose dans les GTA, hein, pour prendre l'autre d'univers ouvert que j'aime bien. Mais moi, GTA, ça me fait marrer parce que c'est un jeu dont on fait toujours ressortir la violence. Et moi, je suis très fan des jeux depuis les premiers. Et à partir du 3, moi, j'ai trouvé que c'était toujours un jeu avec une ambiance très, très belle et très forte à cause de cet aspect déambulation en voiture, où en plus tu testes un peu le gameplay des voitures pour tester les voitures. Et en même temps, tu as ce côté très contemplatif où. Et à un moment donné, parce qu'il y a des cycles de jour et de nuit, qui va arriver au crépuscule en haut d'une falaise à San Andreas avec cette musique, et c'est un moment unique, parce qu'il n'y a que toi qui l'as, parce qu'il y a plein de paramètres combinatoires à accumuler pour obtenir ce moment. Et en fait, voilà, si effectivement le gameplay, du déplacement dans l'espace est travaillé, effectivement, on pousse le joueur à faire ça, et on n'est pas vraiment dans le jeu à proprement parler, où on n'est pas dans la recherche d'objectifs, mais on est vraiment dans un moment où finalement on s'imprègne de l'ambiance purement et simplement. Et s'il n'y avait pas le gameplay très spécifique du jeu, j'aurais presque l'impression qu'on jouerait pas au même jeu, même si on était dans le même univers. C'est pareil pour Red Dead Redemption, c'est pareil pour ces univers là, effectivement, où le gameplay, c'est un gros gros vecteur d'ambiance, et sur la façon dont tu vas t'imprégner de l'univers, en fait. Dans le cas spécifique de Journée, y a un truc qui est facile à faire pour voir à quel point c'est important, c'est de jouer, de couper la connexion internet, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu où si on y joue tout seul ou si on y joue à plusieurs, on n'a pas du tout la même... la même ambiance, on n'a pas du tout la même expérience. Si on y joue tout seul, on va avancer, on va flotter, ça va être effectivement cool et tout ça. Mais dès qu'on va s'apercevoir qu'on peut jouer avec quelqu'un, et qu'on peut essayer de communiquer, et qu'on peut essayer de progresser avec, de faire attention à cette personne, de communiquer. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on communique juste avec un bouton qui fait un cri, mais ce cri n'est absolument pas ni articulé, n'a pas de sens autre que celui qu'on peut lui donner, c'est-à-dire que c'est juste un son, quoi. Sur la façon dont on peut aussi se servir de l'autre pour se propulser, des choses comme ça. Et on va avoir un jeu qui est totalement différent, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un au bout de la manette, au bout de l'écran, et en fait, on ne sait pas grand-chose de plus, il y a une grosse part de mystère. Et si on joue tout seul, toute cette partie-là, on l'a absolument pas. Et c'est si on joue tout seul, c'est un jeu où... Alors, je vais essayer de pas raconter la fin, mais en gros, c'est un jeu de progression relativement classique, mais très joli, quoi. T'as à moitié répondu à la question que j'allais poser, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. C'est parce qu'on a parlé un petit peu, du coup, de la mécanique d'ambiance par rapport au gameplay. Dans divers supports ludiques, on a parlé du jeu de rôle, on a parlé du jeu vidéo, on n'a pas encore beaucoup parlé du jeu de plateau, et pour le jeu de plateau, j'ai l'impression que finalement le seul support d'ambiance qu'on aurait évoqué et le seul utilisable serait le gameplay. Est-ce qu'il n'y en aurait pas justement d'autres? Tu veux dire par rapport à d'autres formes de jeu ou Comment on fait pour soutenir une ambiance en jeu de plateau autrement que par des mécaniques de jeu? C'est vrai que c'est une bonne question, mais là, quand j'y pense à chaud, c'est vrai que les mécaniques, c'est les premières choses qui me viennent. Bon, après, il y a comme beaucoup d'autres jeux, il y a l'ambiance graphique, clairement, notamment sur tout ce qui est humour, hein, ça c'est facile à... C'est facile à représenter, j'allais dire, un jeu fun, un jeu léger, un jeu apéro. Il va aussi passer pas mal de choses sur les graphismes, effectivement, sur un jeu de plateau. Mais il y a aussi la façon dont peut-être les règles vont être rédigées. Ça peut effectivement faire passer des trucs. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jérôme. Peut-être, Céline, tu parles de l'ambiance là pour le coup de l'univers de jeu, du thème, ah. Ou tu parles de l'ambiance de l'endroit où se trouvent les joueurs. J'ai l'impression que la définition d'ambiance pourrait être adaptée selon le support. En le sens où. Ou alors, de façon générique, est-ce qu'on peut pas définir une ambiance comme un cadre de jeu spécifique ressenti par les joueurs vis-à-vis de l'activité qu'ils font aussi, enfin, par rapport à Mario Party, par exemple, on pourrait voir une ambiance de convivialité. On retrouverait la même, par exemple, autour d'un Munchkin. Mais effectivement, dans certains jeux de rôle, dans la plupart des jeux de rôle ou jeux vidéo, ce serait plus une ambiance d'immersion. Je sais pas si on peut peut-être adapter la définition d'ambiance au support. Moi, je suis mal à l'aise avec ça, et je suis aussi mal à l'aise parce que j'ai l'impression que parler d'un jeu d'ambiance ou pas d'un jeu d'ambiance, en fait, c'est très très subjectif. Il y en a qui mettent ça en avant, hein, où le problème se pose pas. Mais par exemple, c'est pas simplement lié au fait qu'il y a un univers ou pas. Je sais pas, un jeu comme Heroes of Might and Magic, par exemple, je suis pas sûr, moi, d'être sensible à l'ambiance du jeu. Tu vois. Un jeu comme Broforce, qui est là par contre pour moi ça marche du tonnerre, donc je sais pas bien sur quels critères le faire. Moi, enfin, j'arrive plus à me poser la question sur comment est-ce qu'il y a une ambiance spécifique en fait plutôt que de l'ambiance en général, et quelle est l'intensité hein, d'une certaine façon de cette ambiance. Le cas où on parle d'ambiance de façon générale, Moi, ça me rappelle les jeux de rôle des années 80-90 où c'était quelque part une façon de mettre presque une barrière, mais aussi de dire c'est pas on joue mais c'est sérieux, et c'est pas le même sérieux que votre copain là-bas sur l'autre table. On attend de vous quelque chose de précis et voilà ce que vous aurez en retour. Quelque part, c'est pas du contrat social, quoi. Pour préciser du coup mon approche de la définition qui est différente et que enfin j'admets tout à fait qu'on jette hein, mais pour préciser cette approche, donc c'est des jeux comme justement je pense à Munchkin, je pense aussi à Cash and Guns ou à la Taverne de la Licorne, donc des jeux de plateau de ce type-là sont souvent présentés en convention et en boutique comme étant des jeux d'ambiance, et c'est souvent sous ce label-là qu'ils sont proposés. La Taverne de la Licorne, c'est le jeu de... C'était Eclipse qui faisait ça, c'est ça ? Je sais plus. C'est le jeu où tu as donc plein de gens autour d'une table et tu dois essayer de virer tes voisins de la taverne. C'est ça, ouais. D'accord. Alors pour le coup, moi, dans les chercher les jeux de plateau, d'ambiance, entre guillemets, où ça pourrait être lié à l'univers, tout ça, et c'est un des rares jeux qui m'est venu en tête, mais je connais pas bien les jeux de plateau. Justement, il me semblait que celui-là pouvait en faire partie. Ouais. Un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est la notion de flow, qui est très, très utile dans le jeu vidéo, puisqu'elle décrit cet état de concentration extrême dans lequel on peut être projeté, notamment dans les jeux d'arcade, où les jeux d'arcade, on essaie de se dépasser, de faire une performance qui requiert une concentration extrême. Et justement, c'est peut-être ça qui va nous aider à cerner qu'est-ce qu'une ambiance, qu'est-ce qu'un jeu d'ambiance ou qu'est-ce qu'une ambiance tout court, parce qu'on peut avoir un flow sur un jeu qui n'a pas d'ambiance. Par exemple, le premier je crois que c'est Donkey Kong, celui où on a un Mario qui monte jusqu'à la princesse. Oui, pardon. Est-ce que tu peux définir le flow d'abord? Alors le flow, c'est un état de concentration extrême qui fait que ton corps va dépasser ton esprit. C'est, par exemple, tu dis je l'ai fait, mais je sais pas comment je l'ai fait. Pourquoi t'as fait ça dans le bon timing? Je sais pas. C'est parce que tu es tellement immergé dans le jeu que l'action dépasse ce que tu peux rationaliser. Le flow, c'est exactement ça. On retrouve ça dans le jeu, mais on retrouve ça aussi chez les musiciens, notamment chez les solistes, où des fois ils se laissent emporter par la musique et ils improvisent comme ça, tellement ils maîtrisent leur instrument. On retrouve le flow un peu partout, aussi dans le sport, une sorte d'état de transe un peu bizarre, qui fait que voilà, le corps dépasse l'esprit et l'action dépasse l'esprit. Et justement, il y a de ça aussi dans l'ambiance. L'ambiance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et comment distinguer flow de « je suis pris dans une ambiance » ? Effectivement, c'est quelque chose qui peut être pas mal lié. Dans les deux cas, tu as une immersion qui est telle que tu te rends plus compte que tu es en train de jouer, parce que justement, enfin, si tu te rends compte, mais entre guillemets, l'intermédiaire, tu le manies tellement bien que de toute façon, tout paraît immédiat. Tu vois, t'es pas, c'est pour ça d'ailleurs que à tort, on a beaucoup finalement opposé ambiance et règles. Par exemple, dans Maléfice, on te disait, bon, bah, maintenant, on va faire de l'ambiance, donc tu laisses de côté les règles. Alors que, bah, voilà, on a bien vu en parlant du jeu vidéo qu'on pouvait se servir des règles pour faire passer l'ambiance. Donc, c'est toujours cette idée qu'on est immergé dans quelque chose sans même ressentir les intermédiaires ou en les maniant de façon tellement instinctive qu'on les ressent plus. Effectivement, c'est lié. Je pense que le flow est quand même très très lié, pour reprendre ta question sur la différence, à une idée d'action. Je pense que dans le flow, comme tu dis, en parlant de concentration, on est quand même très actif sur quelque chose, alors que sur être immergé dans une ambiance, tu peux en fait avoir un côté plus contemplatif. Par exemple, pour reprendre l'idée des jeux vidéo, quand tu te balades avec ton cheval dans Red Dead, où tu fais pas vraiment gaffe à ce que tu fais parce que t'avances, ou dans Assassin's Creed parce que c'est facile d'attraper les prises sur les murs, tu vas peut-être moins être fixé sur, pas la performance, mais l'action elle-même. C'est pour ça que tu dis qu'on peut très bien avoir du flow sur un jeu sans aucune ambiance. Il y a quand même... Il y a quand même un aspect contemplatif qui est beaucoup plus fort dans la notion d'immersion dans une ambiance. Enfin, c'est je pense. Hein. Je vais revenir sur un élément que tu as cité tout à l'heure, Coralie, qui est peut-être pas négligeable. Tu as parlé de l'aspect graphique, alors en t'arrêtant notamment dans les jeux de société sur les jeux un peu rigolos. Mais j'ai l'impression que, de façon générale, les jeux ont une iconographie assez riche, en dehors des jeux traditionnels, encore que. Les jeux contemporains, jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo, par essence, ont des iconographies assez riches. Et que cette part graphique-là, elle est profondément constitutive de l'ambiance du jeu. Un Tokaido, pour parler de jeux de société, va avoir un plateau très très dépouillé. Je crois que l'aspect graphique de certaines productions de jeux de rôle, même la plupart des productions de jeux de rôle, est quelque chose qui est considérablement pris en compte par les joueurs et par les meneurs et pour cause, parce que ça fait partie aussi de la compréhension qu'on a de justement d'une ambiance qui va au-delà des mots qui décrivent le jeu. Quel regard vous avez là-dessus? Bah oui, c'est clair, et puis surtout c'est ce qui est bien avec les illustrations, c'est qu'avant on pensait que plus elles étaient détaillées et fouillées, plus il y avait de l'ambiance et qu'en gros quand on voulait pas en mettre, on mettait du dépouillé, mais c'est des frontières qui ont pas mal volé en éclats. Par exemple, si je pense à Monument Valley, finalement, qui a un graphisme assez dépouillé, mais en même temps qui pourrait dire que ce jeu a pas d'ambiance, quoi. Il a une ambiance extrêmement forte, avec un graphisme finalement qui est très géométrique et tout ça. Et pourtant, on est dans un jeu au niveau ambiance, et ben on est dans le haut du panier pour moi, quoi, en tout cas dans ce style de jeu. Et effectivement, dans le jeu de rôle, ça a toujours fait partie. Partie des marqueurs d'univers, quoi, qui venaient pas mal en complément de tout ce qui était texte. Ce qu'utilisaient pas mal aussi les livres de jeux de rôle, c'est les nouvelles. Mais en fait, les nouvelles et les illustrations fonctionnent un peu de la même manière. C'est que finalement, on a besoin d'un complément d'ambiance par rapport au côté parfois un petit peu trop objectif des règles. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire passer plein de choses par les règles, et on va faire plein de choses... On va faire passer beaucoup de choses sur l'univers par les règles, ça, il n'y a aucun souci. Mais dès la première version de Donjon, ben, il y avait des petites illustrations, quoi. Parce qu'on a besoin de ce complément. C'est, l'illustration, par exemple, c'est quand même un lieu où les points de vue peuvent se rassembler. on interprète les textes un peu de façon différente parfois, et tant mieux, c'est aussi une recherche du jeu de rôle et une richesse du jeu de rôle qui fait que, ben, qu'on a tous des expériences de parties un peu différentes, même si on joue au même jeu. Donc déjà, on peut, voilà, c'est un lieu où les diverses interprétations, on peut lever un peu les ambiguïtés. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est d'assez immédiat. Donc quand c'est bien fait, ça fonctionne de façon très très intéressante avec le texte. Si vous prenez ODD, la première version d'ODD, on dit souvent il n'y a pas d'univers dans le jeu. Et bien on dit ça parce que finalement il n'y a pas d'univers décrit au sens encyclopédique où va l'amener une quest et qui va être la façon dont on va être habitué à lire les univers dans un livre de jeu de rôle. Mais il y a bien sûr un univers dans ODD parce que, ben, par exemple, il y a des hobbits, il y a des ents, il y a des épées qui boivent les armes. Donc on sait très bien dans quel univers on est, même si c'est que des tableaux. Il y a un univers qui passe par ses règles et... malgré tout, bah, le jeu comporte aussi son lot d'illustrations, parce que y a quand même un petit côté aride, que notamment dans les bestiaires, et parce qu'ils savent que ça va aider les descriptions d'un MJ, on a eu envie de mettre ça. Donc c'est effectivement important pour en gros boucher les trous. Pour faire passer l'ambiance quand on sent qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire autrement. Quoi. D'accord, merci. Est-ce que tu peux juste nous préciser ODD pour ceux qui nous écoutent ? Excusez-moi, c'est comme ça qu'on appelle la première version de Donjons et Dragons, celle qui date de 1974. C'est original Donjons et Dragons. C'est comme il y a eu plein d'éditions de donjons et que c'est un peu compliqué, celle-là on l'appelle ODD. Très bien, merci. Alors du coup... Bon, on a essayé de cerner ce que c'était l'ambiance, mais comment on peut la poser ? Alors, il y a pour le jeu de rôle, c'est au niveau autour des joueurs, mais je me dis on peut aussi poser une ambiance autour d'un jeu de plateau, même quand on joue aux jeux vidéo, il suffit d'éteindre la lumière quand on joue à quelque chose comme Dead Space. Je pense que l'expérience sera pas la même que s'il fait grand soleil dehors et que voilà, on voit les petits oiseaux qui pioupioutent dehors. Personnellement, j'y avais joué dans le noir, j'avais pas aimé. Non, j'ai eu très peur. Mais voilà, puis pour le jeu de rôle, voilà, des mécaniques pour poser une ambiance, pour contribuer à l'expérience de jeu des joueurs. Alors, pour reprendre un peu ce qui a été évoqué avant avec cette question de graphisme, d'aspect visuel, sans doute la première des façons et la plus simple, c'est de jouer sur les sens, effectivement. Par contre, on peut jouer dans le jeu sur beaucoup plus de sens que simplement la vue et l'ouïe, ce à quoi on est habitué, ce qu'on va retrouver dans le cinéma par exemple. On a plein de possibilités, que ce soit sur le toucher. Si vous... Heavy Rain par exemple, qui avait des... alors pas la version avec le... Je ne sais plus comment ça s'appelle le gadget là... pour que... pas le move s'appelait, je sais plus. Eight-Oil, je crois. Pardon ? Le Eight-Oil, je crois, à vérifier. Alors, l'Eight-Oil, c'est la caméra, mais le... Enfin bon, peu importe. Quand on jouait avec la vraie manette, en fait, le pad de la PS2, on devait faire des mouvements plus ou moins prolongés, qui étaient... qui servaient, en fait... de la PS3, pardon. Qui servaient à... En gros, on allait dans le sens où je dirigeais le personnage. Et il y avait ces mouvements devaient être plus ou moins appuyés, avec des directions différentes, il y avait un retour de force. Et tout ça, ça crée en fait un ressenti un petit peu différent. La même chose, il y a plein de jeux d'horreur qui utilisent les vibrations de la manette pour faire des battements de cœur, en fait. Ce rythme-là, c'est un truc qui a été utilisé qui est encore utilisé constamment dans l'horreur. Au niveau de la musique, mais on le retrouve aussi sur ses retours haptiques. On peut faire plein de choses. On peut jouer sur l'accélération. Si vous avez joué à des jeux comme Wipeout, par exemple, ou même Sonic, hein, où il y a ces notions-là, en fait. C'est des choses qu'on peut pas avoir... Enfin, on peut l'avoir sur le cinéma, mais on n'aura pas cette sensation de contrôle. Sur l'équilibre, tu parlais du flow tout à l'heure. Quand je parlais du contrôle... savoir dans un jeu quand c'est qu'on va donner le contrôle et quand c'est qu'on le donne pas, c'est une différence énorme, par exemple avec le cinéma, avec d'autres médias, et ça va nous permettre de jouer énormément, en fait, sur ce ressenti, sur cette ambiance, Si vous jouez à un jeu où vous avez l'impression que vous pouvez faire constamment ce que vous voulez et que ça va marcher, bah vous n'allez pas du tout jouer dans le même état d'esprit que si c'est un jeu où vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça va échouer. Dès que ça va échouer, il va y avoir plein de complications. Pour parler d'un jeu de rôle, je me souviens qu'un des jeux moi, avec lesquels j'ai débuté, qui s'appelait Warhammer, à l'époque, c'était un jeu où on avait des personnages qui débutaient en gros autour de 30% de chance de réussir la moindre action. Et du coup, ce que ça a fait à notre table, et puis en fait en discutant avec pas mal d'autres joueurs, c'est que ça nous a appris à jouer quasiment sans dés. Pourquoi ? Parce que comme en fait dès qu'on essayait un truc, ça foirait, on essayait de se mettre dans des situations où on ne pouvait pas échouer en fait. Et on avançait petit à petit. Et on allait décomposer une action, par exemple, et prendre le temps d'en faire 4 ou 5, mais aucune de ces étapes n'était... on pouvait estimer qu'aucune de celles-là ne pouvait louper, et donc on arrivait à faire l'action. Et c'était une autre façon de jouer qui était amenée par le système, là. Sachant que... Bon, là, je parle de façon de jouer, c'est un peu vague par rapport à l'ambiance, mais le ressenti par rapport à tout ce qui se passe est différent. Ça a modifié la façon dont on perçoit tout l'univers. En fait, ce sont... quelque part, c'est presque des sens ou des possibilités que nous offre le jeu et qu'on n'a pas sur d'autres médias. Après, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a la notion d'expressivité aussi. Tout à l'heure, on parlait de visuel. Coralie disait qu'on ne pensait pas forcément que c'était le réalisme qui devrait primer, alors que ça a longtemps été... ce qui était cru. Si vous prenez un jeu comme Worms, il est beaucoup plus expressif et transmet beaucoup plus de choses avec ses personnages ridicules en 2D que plein de jeux 3D de l'époque de la PS2 où c'était pas forcément maîtrisé, ou de la PS1. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment plein d'éléments. La base, c'est jouer autour des sens, et puis après on a plein d'autres supplémentaires, mais je vais laisser Coralie parler peut-être un peu. Ouais, je pense qu'il y a aussi deux choses dans ce que tu dis, Fanny. Il y a les conditions dans lesquelles on va se mettre pour jouer, on va créer une ambiance à l'intérieur de l'ambiance du jeu ou un peu à côté, et l'ambiance du jeu qui est autre chose. Par exemple, moi je me rappelle avoir fait les Mass Effect avec l'été, avec la fenêtre ouverte et les étoiles, quoi. Et ça peut paraître un peu stupide comme ça, mais moi ça faisait un bon complément en fait. Disons que quand on se retrouve dans l'espace et que au-dessus de soi on a le ciel, ça rajoute un truc. Et clairement, ben, comme tu prends ton exemple pour Dead Space, parce que c'est vrai, se mettre jouer dans le noir dans un jeu d'horreur, c'est effectivement ça, c'est ce qu'on a tous fait, ben ça tient de là. Et même pour la littérature, il y avait quel théoricien disait qu'en gros, quand on lit qui nous ont beaucoup plu, des fois on se rappelle pas du contenu, mais on se rappelle où on était quand on les a lus, dans quelles circonstances. Et là, il y a parfois un peu de ça, suivant l'ambiance dans laquelle on se met. Comme dit Jérôme, pour le jeu de rôle sur table, on va pouvoir toucher encore plus de sens. Par exemple, le goût. Bon, bah, a priori, le jeu vidéo, il peut, au niveau du goût, c'est un petit peu difficile, mais par exemple, le MJ, il peut. Faire un repas, organiser un repas typique du pays que les PJ vont visiter ce soir-là. Et je pense que ça va forcément marquer. Il y a de ça. L'autre versant, pour permettre finalement de s'approprier l'ambiance, elle passe par la mise en place de petits outils dans les jeux qui disent aux joueurs, l'ambiance c'est aussi vous qui la faites. Par exemple, je pense à un exemple assez criant pour moi, c'est celui de Dishonored. Donc Dishonored, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais donc on fait des missions et on a souvent le choix de tuer plus ou moins de personnes sur notre passage, un peu comme Hitman. Hein. Et en fait, suivant le nombre de morts qu'on va faire et la façon dont on va traiter les PNJ, en fait, l'univers de jeu va vraiment changer. Et donc on va avoir une ambiance très très sombre et très très violente si on se met à tuer tout le monde. Et au contraire, on va avoir quelque chose de plus light si on fait plus attention aux dommages collatéraux. Et donc ça dit aux joueurs, l'ambiance, c'est aussi toi qui l'as fait. Je pense à Mass Effect, vous baladez dans la citadelle, vous allez avoir des conversations de PNJ qui sont complètement anodines et qui ne vous disent pas grand-chose sur l'histoire, mais là, vous allez avoir ce sentiment d'appropriation, parce que suivant où vous passez, suivant les moments où vous revenez, vous allez avoir plus ou moins des bribes de l'histoire. Et vous avez un peu l'impression de pouvoir vous faire votre propre histoire, un peu de la manière que seul votre personnage peut avoir. Donc ça contribue énormément à l'installation d'une ambiance. Pour les joueurs, il va y avoir certains jeux qui vont insister, par exemple au niveau du jeu de rôle papier, qui vont dire « bon bah voilà, l'ambiance, arrêtez de penser que ça ne repose que sur l'OMJ, ça repose aussi autant sur vous joueurs, donc attention aux apartés, enfin attention aux jeux, attention aux blagues, parce que finalement, en vous exprimant de telle manière, en vous exprimant comme votre personnage, et ben voilà, vous aussi, vous allez avoir un impact sur l'ambiance. On a aussi toute une culture de jeu à partir environ des années, je sais pas, 90, quelque chose comme ça, je reste dans le flou niveau date, parce qu'il faudrait voir mieux comment dater tout ça, mais on va retrouver de plus en plus de jeux, y compris dans, même par exemple dans Warhammer, où on va vous dire, bon ben quand il y a une conversation, donner des bonus si jamais la joueuse vous fait un super roleplay de la mort en jouant la conversation, au lieu de simplement faire le jet d'éloquence ou simplement faire le jet de baratin. En gros, on va avoir plein de jeux qui vont dire contournez tout ça, contournez le système de résolution de base, faites-le en roleplay parce que ça contribue à l'ambiance, quoi. Donc voilà, on va finalement, par tous ces moyens-là et dans toutes ces formes de jeux-là, on va dire aux gens, ben, l'ambiance, c'est aussi vous qui vous la faites, c'est aussi vous qui vous l'installez, et on va essayer de leur donner des outils pour le faire au même moment qu'il va y avoir cette prise de conscience, et le game design ne cesse pas de nous donner de nouveaux outils et d'en chercher des nouveaux, quoi. J'aime bien faire le parallèle avec le cinéma parce que c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, on s'y retrouve souvent. Et j'ai l'impression qu'en cinéma, il y a des techniques qui sont utilisées et qui seraient peu adaptées au monde du jeu. Donc on peut en discuter peut-être. J'ai l'impression que le cinéma, notamment, arrive bien à se priver d'un sens ou d'une technique qui est pourtant couramment utilisée et à jouer dessus. Par exemple, je pense à Interstellar où tout d'un coup, dès qu'on arrive dans l'espace, il n'y a plus de son et où ça donne une ambiance particulière du coup. Je pense à Sin City avec son monochrome avec du rouge. Je pense aussi à Paranormal Activity, par exemple, où on se prive de tous les effets de champ contre champ et de tout le montage qu'il peut y avoir au niveau des prises de vue, où on se contente finalement d'un caméra à l'épaule sur tout le long du film, ce qui est aussi un choix artistique. Est-ce que dans le jeu de rôle, ou dans le jeu de plateau, ou dans le jeu vidéo, enfin dans toutes les formes de jeux dont on peut parler, est-ce qu'on peut retrouver de telles impasses sur des techniques ou des sens qui seraient aussi enrichissantes sur l'ambiance ? Alors, selon les types de jeux, tu en as qui reprennent assez directement les codes du cinéma, beaucoup dans le jeu vidéo par exemple, puisqu'on peut se permettre de faire des cinématiques et de la vidéo. Mais tu as, si on va chercher plus dans le gameplay par exemple, tu as dans la plupart des jeux de tir à la première personne ou à la troisième personne, enfin peut-être pas dans la plupart, mais dans beaucoup, une scène où le personnage et soit drogué, soit blessé, et en fait sa capacité pour avancer ou pour se battre est énormément réduite. Je sais pas si vous avez fait The Last of Us. Il y a un passage par exemple comme ça. Enfin, il y a plein de jeux où c'est le cas où le personnage n'a plus ses armes par exemple, et on réduit énormément ses moyens d'action. Est-ce que ça peut correspondre à ce dont tu veux parler ou pas? Ou je suis à côté de la plaque? Oui, par exemple. D'accord. Alors, dans ce cas-là, tu vois, on peut trouver, par exemple, dans le GN, ou, je pense dans tous les types de jeux, énormément de choses basées sur le minimalisme. Que ce soit visuel, par exemple, avec le pixel art dans le jeu vidéo, pour prendre vraiment des trucs que tout le monde connaît. Dans le jeu de rôle, par exemple, ou le GN, on va avoir des choses qui vont être... par exemple, décider de se priver de certaines techniques. Alors, je pense par exemple aux apartés. Les apartés, donc, en jeu de rôle, c'est... Il n'y a qu'un seul personnage, par exemple, qui est au courant de quelque chose. Le meneur de jeu et le joueur en question sortent de l'endroit où il y a tous les joueurs, on leur demande de sortir, et discutent de ce qui se fait à part. Et puis, tout le monde revient, et comme ça, les joueurs... en fait, ne savent pas ce que leurs personnages ne savent pas. Alors, dans certains cas, c'est plutôt contre-productif, dans certains cas, c'est très utile, Mais il y a eu, par exemple, il y a des écoles, on va dire, ou des chapelles, qui prônent ce type de procédé, ou d'autres qui s'y refusent. Dans le gène, on va retrouver ce qu'on appelle l'illusion à 360 degrés, où l'idée, c'est que, en gros, ben, ce qu'on voit, c'est ce qui est dans le jeu, et il n'y a rien de ce qu'on voit qui n'est pas dans le jeu. Avec, je sais pas, vous avez un objet qui apparaît, vous voulez le démonter, ben vous débrouillez comme vous voulez avec ce que vous avez, puis vous démerdez, quoi. C'est pas un organisateur qui va venir vous faire quelque chose pour que vous puissiez contourner cet aspect-là. Inversement, on va avoir, donc, on se prive quelque part de ces jeux dans le jeu, on se prive de ces possibilités-là, parce qu'on a une volonté, je veux dire, esthétique, mais esthétique au sens, l'esthétique du jeu, hein, ludique en fait, particulière. À côté, on va avoir d'autres types de gènes, alors je crois qu'on appelle ça les Dogsville, où par exemple, l'espace de jeu, bah, ça va être des morceaux de scotch sur le sol, quoi. Et on va se limiter à un symbolisme extrême. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'ambiance, en fait. Juste, elle ne va pas reposer sur les mêmes choses. Alors, j'espère que c'est bien de ça dont tu voulais parler, mais en fait, il y a pas mal d'exemples. Ouais. Oui, par exemple, c'était une question assez ouverte. Ça tombe bien que tu viennes de parler de GN, Jérôme. Ça va me permettre de reboucler avec le début de notre épisode et la question originelle d'Adrien. Et puis en plus, j'ai cru comprendre que vous aviez désormais une pratique du jeu de rôle grandeur nature assidue, toi comme Coralie. Mais du coup, est-ce qu'il y a des outils d'ambiance? Parce que pour le coup, le GN, j'imagine que c'est une typologie de jeu où l'ambiance est... Et un facteur extrêmement structurant. On a parlé du fait que l'ambiance c'était aussi une question de lieu. Le GN c'est très rarement hors sol, effectivement, sauf dans quelques cas un petit peu particuliers. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques à cette forme de jeu? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques d'ambiance à cette forme de jeu où tous les joueurs sont pas au même endroit nécessairement, où on peut avoir des enjeux de costumes et d'accessoirisation qui sont pas du tout les mêmes que dans d'autres jeux? Enfin, il y a un effet de sas quand même. On rentre dedans, on en sort. Il y a quelque chose de peut-être un peu plus primal. Juste 30 secondes, puis après je laisse parler la spécialiste du GN. Moi, il y a un truc très simple sur le GN, en fait. C'est que je suis obèse. Faire du GN, c'est ultra, ultra compliqué. Du GN classique. Et en termes d'ambiance, en gros, tu dois mettre une fortune pour pouvoir te déguiser, enfin, costumer, je sais plus quel mot on emploie, et que t'es pas sûr que ça marche, qu'il faut crapahuter partout et que t'y arrives pas, bah l'ambiance elle est sacrément différente. Alors c'est un cas un peu extrême, hein, mais cette simple limite, en fait, qu'on ressent pas du tout autour d'une table de jeu de rôle, elle est super importante dans mon cas. Après, y a plein de choses dont y a plein d'autres choses très positives, hein, qui amènent le GN. Par rapport au jeu de rôle classique et inversement, mais ne serait-ce que ce simple truc, en fait, il est fondamental, quoi, pour moi. Bah, alors après, pour quand même compléter, il y a plein de formes de GN, il y a des GN qui vont se passer dans une seule pièce, en fait. Donc il y a quand même des GN qui sont plus accessibles à ce niveau-là. Je parlais vraiment que des classiques. Voilà, en fait bon, bah, je vais essayer pour vous faire un topo là-dessus, prendre les deux extrêmes, en fait. Il y a effectivement un peu les gènes what you see is what you get, où on va avoir, en gros, on veut que quand on a un décor, et ben il soit le plus proche possible de ce qui devrait être dans l'univers imaginaire, quoi. Moi, il y a un gène western que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'ultime western, qui se fait en Andalousie sur les lieux de tournage de western spaghetti célèbre, où il était une fois dans l'Ouest et tout ça. Et quand vous rentrez dans ce décor-là, et ben vous y êtes, quoi. Il n'y a pas d'effort à faire en termes d'immersion. Dans l'ambiance, vous y êtes immédiatement parce que tout autour de vous est là pour vous le faire croire. Vous avez un saloon, vous avez une banque, vous avez des figurants avec des chevaux, vous avez le pistolet qui fait bang, enfin, vous avez tout ça, quoi. Et donc là, on est vraiment dans le GN qui va chercher à représenter vraiment très très fort l'univers fictionnel pour mettre les joueurs dedans. Et puis à l'inverse, à l'autre extrême opposé, Vous avez beaucoup de gènes qui sont notamment d'inspiration d'Europe du Nord, mais pas que. Ou pour le coup, on va être sur quelque chose de très dépouillé, dans des lieux souvent plus restreints, où on ne va pas demander de costume. Ou en gros, là, par contre, ce qu'on appelle notamment un peu les freeforms, mais pas que, vous allez vous retrouver à interpréter des choses où on va être beaucoup dans le symbolique. On va donner des outils d'ambiance, mais qui vont être radicalement différents. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un jeu qui s'appelle Huntsville. Huntsville, c'est un jeu très rigolo où on joue les derniers instants d'un condamné à mort. Et dans une seule pièce qu'on appelle notamment, enfin en tout cas moi je l'ai fait comme ça, une black box, c'est-à-dire une pièce qui est entièrement fermée. Et donc d'un côté, il y a les quatre joueurs qui jouent la famille du condamné. De l'autre côté, il y a les quatre joueurs qui jouent la famille de la victime, sachant que le condamné a tué sa femme. Et il y a une joueuse qui fait la femme, qui passe un petit peu comme un fantôme, mais sans vraiment être un fantôme dans le sens surnaturel, qui dit des choses un peu aux joueurs pendant les scènes. Et en fait, ce jeu passe énormément par la musique et par la lumière. Ce genre de jeu, par exemple, vous allez avoir des codes de lumière. Il y a des spots, si jamais c'est telle couleur, ben, ça veut dire par exemple c'est un flashback. Et là, vous allez avoir l'organisateur qui va vous donner une scène de jeu, du genre, bah là, vous avez 15 ans, vous êtes en train de faire du camping, et vous vous éclatez. Et pouf, vous passez sur la scène, et vous avez compris que c'est un flashback, il y a un code. Il y a la musique qui marque tout ça, donc la musique va énormément vous plonger dans l'ambiance. Et en gros, cette absence de représentation, elle vous oblige précisément à vous concentrer sur l'ambiance, sur ce que vous renvoient les autres joueurs comme émotion, et sur les dialogues, et sur un petit peu la manière viscérale dont on peut réagir dans ce genre de situation. Et par exemple, si vous enlevez un outil symbolique, ça marche plus. Je pense à un autre jeu que j'ai fait en black box, merci Stéphanie Ayou, qui s'appelle Équilibre, qui est un jeu de Leïla, dont j'ai oublié le nom de famille, dont je ne me rappelle plus le prénom, mais qui est de la sous-expérience, qui est en fait un jeu qui fonctionne par scène, pareil en black box, pas de costume. Et en fait, il y a des jeux où on est deux joueurs, on ne parle pas, et tout passe par la musique, en fait. Et si vous enlevez la musique, là, ça ne fonctionne plus. Mais il n'y a que ça. Et en fait, la musique, choisie par l'organisateur, suffit à poser l'ambiance. Et en fait, vous jouez pour vous et pour l'autre, et en fait, tout va se passer par le regard. Par contre, vous enlevez la musique, c'est terminé. Là, c'est plus un support. Hein. Là, c'est quelque chose qui devient indispensable, enfin, à mes yeux, en tout cas, pour jouer. Donc voilà, en gêne, il y a vraiment ces deux extrêmes-là entre... vraiment l'immersion où on est dedans, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à imaginer, on peut forcément que se sentir dedans et que se sentir dans le perso quand on est dans un décor aussi bien travaillé. Et à contrario, le symbolisme un peu très très minimaliste où, qui n'est pas moins fort en termes d'ambiance, mais par contre qui va vraiment jouer sur le symbolique, quoi. On vient tout juste de dépasser à peu près l'heure d'enregistrement, ce qui du coup va nous indiquer qu'on va bientôt terminer ce podcast. Je propose, si mes collègues sont d'accord, pour entamer la nouvelle question traditionnelle de fin de podcast, de peut-être demander à nos invités quel est peut-être leur plus grand souvenir d'ambiance particulière. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ils ont l'air de hocher la tête, donc bah voilà, je pense que ce sera la dernière question de ce podcast. Peut-être pour conclure, quelle est votre plus grande expérience donc en termes d'ambiance? Alors, Coralie, tu as plus ou moins évoqué la question, je pense. Je jette un des vins sur ma table aléatoire de souvenirs. Il y en a plusieurs. Moi j'ai eu un, bon ça dépend, mais sur le jeu vidéo j'ai eu une espèce de moment super intense, un peu sans explication aucune, sur Red Dead Redemption, avec ce passage de frontière de Mexique là, avec la chanson So Far Away de Gonzalez, que juste en marchant avec le cheval, c'était juste incroyable à quel point j'étais dedans, et voilà, ça m'a vachement ému, et c'est un peu, enfin je saurais pas vraiment dire pourquoi. En GN, dans le GN western dont je parle, j'ai pu mener une révolution mexicaine, et c'était quelque chose aussi de pouvoir mener comme ça quelques dizaines de PNJ et de marcher sur la ville américaine où il y a tout le monde qui rentre dans les bâtiments en ayant peur de vous. C'était, c'était plutôt fun comme sensation. Et puis en jeu de rôle, je sais pas, il y en a vraiment plein en jeu de rôle sur table. J'ai déjà vraiment eu peur en jeu de rôle sur table. Ça c'est clair, mais ça jouait pas mal. C'était avec un meneur qui connaissait bien aussi les peurs que je pouvais avoir, donc ça jouait pas mal. Ouais, voilà, c'est tout, c'est à peu près tout ce que je pourrais en dire là comme ça. Jérôme. Alors moi j'ai beaucoup moins d'expérience liée au Mexique, hein, mais tu as tort. Bon, en fait, c'est tout simplement ma meilleure expérience de jeu de rôle, ma meilleure partie, qui est en fait la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à la théorie rôliste, parce que cette partie était tellement bien, avec des gens que je connaissais pas, que je voulais absolument comprendre pourquoi et revivre ça, en fait. Et ça marche à moitié. Hein. Mais en fait, c'est une partie d'un jeu qui au départ était un scénario de Tenga, mais il y a des années avant que le jeu existe. Si je ne me trompe pas, je crois que même Célène y a joué à Rennes, ce scénario-là, qui se passe dans une auberge, en fait. Et, tout à fait, oui, je m'en souviens très bien. Au fur et à mesure des années, en fait, c'est devenu de plus en plus freeform, justement, ou un demi-GN, ou je ne sais pas comment on dit. Et la première fois où je l'ai fait jouer, donc j'étais mort de trouille, j'avais pas l'habitude de faire jouer en convention, c'était la première fois que je faisais jouer un jeu à moi, les gens qui jouaient, ils avaient pas vraiment envie de jouer, enfin c'était vraiment des conditions de stress maximum. Et en fait, à la fin du jeu, y a deux barbus qui jouaient, j'allais dire, un amour entre deux persos, enfin, dont un pensait qu'il était, c'était un amour romantique et l'autre... l'autre, comment dire, filiale, en fait, et de les voir en train de chialer, voir les joueurs à la fin de la table qui s'applaudissaient les uns les autres, en fait, c'était un peu bizarre, j'avais jamais vu ça, puis avoir honte, parce que du coup, les tables à côté les regardaient en se demandant c'est quoi ce bordel, et c'était, je sais pas, c'est une partie qui a été juste magique, en fait, et je sais pas bien à quoi c'est dû, et je serais ravi de recommencer, en tout cas. Et c'est des joueurs que j'ai eu plaisir à rencontrer les années suivantes. Et y a même une époque où je faisais 200 bornes pour aller jouer avec eux. Quoi. Et du coup, je profite de nos nouvelles comparses pour leur poser la question à leur tour. Quel est peut-être vos plus grands souvenirs d'ambiance de jeu ? Alors moi, j'ai déjà évoqué Dead Space, hein, que je n'ai jamais terminé. Pour la petite anecdote, parce que je n'arrivais pas à jouer, même si le scénario est vraiment cool. En jeu de rôle, c'était il y a 2 ans, j'ai incarné un nouveau personnage, sachant que moi je suis adepte des parties de GDR qui sur la durée, hein, là je suis depuis 3 ans sur une partie, depuis 2 ans sur une autre, et voilà, et je construisais peu à peu mon personnage et ma maître de jeu pour me permettre de découvrir l'histoire un peu approfondie de mon personnage m'avait fait toute une ambiance sonore donc, qui parlait donc de la guerre, du peuple des elfes, puisque mon personnage était une elfe tête à claque. Et en fait, voilà, et la manière dont toute sa famille a été massacrée pendant toute une bataille et tout ça. Et j'ai fini les 20 minutes où ma maître de jeu me racontait tout ça, vraiment les larmes aux yeux et vraiment émue par tout ce qui était arrivé à mon perso, qui était devenu moi ou j'étais devenue elle, je ne sais pas trop. Et voilà, et ça a été l'une des meilleures parties parce que j'étais complètement dans mon personnage pendant toute la journée qui a suivi. Et c'était assez chouette. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup de facilité à retrouver, puisqu'on fait des parties de manière irrégulière, grâce à cette atmosphère, je pense, justement. J'ai un souvenir particulièrement original en jeu vidéo, parce que bon, des jeux à ambiance qui marquent particulièrement en jeu vidéo, il y en a pas mal, mais... le plus inhabituel, c'était un jeu qui n'était pas spécialement fait pour être un jeu d'ambiance, c'était Fallout New Vegas, où il y a une ambiance certes, mais c'est pas fait non plus pour être complètement immersif. Il y a un fast travel, enfin un voyage rapide pour cliquer sur les villes, où on clique sur les villes pour se déplacer. Il y a pas mal de choses qui sont quand même qui sont censées être des briseurs d'ambiance un petit peu pour faciliter le gameplay. Et moi, en fait, je m'étais dit Le fast travel, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je suis une vraie, je joue vraiment, voilà. Parfois, je me mets comme ça des petits défis. Et en fait, je m'étais retrouvé à un endroit. J'avais été prise en embuscade par des bandits. Je m'en étais sorti, mais ils m'avaient déchiqueté la jambe. J'étais en surencombrement. Du coup, j'avançais à 2 à l'heure. Et je me suis mise, j'étais un peu paumé en plus, donc je me suis dit, là, la prochaine ville, enfin, j'ai pas envie de revenir à la ville d'avant qui est vraiment beaucoup trop loin. Là, il y a une voie ferrée, je vais la suivre pour espérer trouver une. Il y aura bien un campement, une ville, une grotte quelque part où je pourrais trouver un steampack, où je pourrais me soigner, faire quelque chose. Donc j'ai commencé à remonter la voie ferrée. En trébuchant à chaque pas, en clopinant, enfin c'était, et en essayant de me rassurer des loups, parce que enfin ou des bêtes sauvages, je crois qu'il y avait parfois il y avait des griffes morts qui pouvaient être dans la région et tout, enfin en écoutant la radio NS50. C'était une expérience de jeu qui a duré quand même 1 ou 2 heures parce que c'était long de remonter cette voie ferrée et c'était quand même très particulier et je regrette pas du tout d'avoir joué ça, même si c'est pas prévu qu'on joue comme ça. Enfin, normalement, on est blessé, on essaye ou bien de jeter son équipement par terre en se disant on le retrouvera plus tard, ou bien de faire du fast travel, enfin de faire quelque chose de plus cohérent avec le gameplay. Mais là, c'était vraiment sympa de faire ça. Eh bien, je pense qu'on a en tout cas fait le tour de la question, peut-être pas de la question, mais en tout cas d'une partie de la question sur qu'est-ce que peut être ou ne peut pas être une ambiance. On remercie encore nos invités, Coralie David, donc éditrice des Lapins Marteaux notamment, pas que, merci beaucoup, et donc Jérôme Brand-Larré, auteur de jeux de rôle, donc Tenga comme on a cité, mais aussi d'autres, critique et aussi comparse Lapins Marteaux avec Coralie. Merci encore, et peut-être un dernier mot de Manuel ? Oui, j'ai un petit mea culpa à faire. On devait vous amener des trucs super cool à écouter pendant l'été. Et on a eu des petits soucis techniques qui ont décalé l'arrivée des enregistrements prévus, mais je vous le redis parce que c'est pas abandonné, hein. On devrait pouvoir vous diffuser d'ici quelques temps, à issue incertaine, les conférences qui ont été enregistrées au Stonefest 2016, 13 conférences de 2 heures sensiblement, autant vous dire que c'est du lourd. Voilà, on est en train de régler les petits soucis techniques, mais ça va vous arriver dans les semaines à venir. Si tout se passe bien, vous pourrez retrouver ça sur Ludologie entre 2 épisodes. Voilà, vous allez avoir un petit stock. Et en attendant, continuez à jouer tant qu'on a le droit. Merci beaucoup et à bientôt.